Chapitre 6e. Le lendemain et les jours suivants, je lis avec attention les annonces de la Freie Presse. Il ne manquait point d'effets perdus, réclamés avec instance ces belles promesses, des bagues, des montres, des porte-monnaies, des chiens, des perroquets, des serins, même des enfants, tout ce qu'on peut perdre, enfin, excepté un mouchoir brodé. Je désespérais de pouvoir rendre ma trouvaille, et la propriété de l'objet perdait de mon estime. C'était une personne sans ordre, une prodigue qui ne s'apercevait même pas de la perte d'un effet précieux, et qui, par conséquent, ne pouvait rien avoir de commun avec une enfant de Genève, la ville par excellence de l'économie. Mais je m'étais trop pressé de juger. Le 4e jour, je pus lire à la dernière colonne du journal, perdu aux environs de la Hauswiese, un mouchoir brodé, le rapporté contre récompense chez Madame Müller, Park Gasse, numéro 11. Madame Müller, elle est donc mariée. Et j'en suis pour mes frais d'imagination. Mais qui sait, c'est peut-être une mère, une tante, une grand-mère. Et le mouchoir appartient à sa fille ou à sa nièce. Ne nous pressons pas trop de démolir l'édifice de nos rêves. Après le déjeuner, je profitai de l'heure de récréation que j'accordai à Gustave pour courir à la Park Gasse. La maison du numéro 11 était petite, élégante, coquettement enveloppée d'une draperie de rosiers grimpants qui portaient jusqu'au toit leurs guirlandes fleuries. Je mets la main sur le marteau de la porte, puis je la retire comme si elle eût touché un fer rouge, et je m'éloigne à grands pas. Pourquoi ? J'ai peine à avouer un pareil enfantillage, mais j'avais peur de me trouver en face de la personne rêvée, et qu'elle fût vieille ou laide, comme me l'avait prédit mon ami Rodolphe. Honteux de ma poltronnerie, j'allais revenir à cette porte quand je me sentis frappé sur l'épaule, et me retournant, je vis précisément mon jeune docteur. « Que fais-tu ici ?» lui demandai-je, un peu fâché de la rencontre. « Question amicale et polie, mon cher Édouard. Je suis venu passer quelques jours à Baden avec un jeune comte danois à qui je donne des leçons de français, et actuellement je vais au parc, où tu vas m'accompagner. Je n'en ai pas le temps. On a toujours le temps de s'amuser. Entends-tu les accords joyeux de l'orchestre et le roulement des équipages ? En dépit du soleil qui me brûle, toutes les belles femmes de Vienne sont là avec leur satin, leur gaze, leurs diamants. Je gage, tu n'as jamais été au parc, toi. Pas aux mêmes heures que le beau monde, mais souvent j'y suis allé le matin. Je me suis reposé à Moritzruhe, et j'ai même écrit mon nom sur l'album. Eh bien, c'est une misanthropie que tu vas expier en exécutant avec moi quelques tours d'allée. Pas aujourd'hui, j'ai affaire dans cette maison. Affaire ? Et quoi, s'il te plaît ? Rendons ce mouchoir que... Que dis-tu ? Ce mouchoir est à Madame Müller. En ce cas, tu as gagné ton pari. Elle est jeune et belle, mais écoute... Tu ne doutes pas de mon amitié. Pourquoi cette question ? Tu sais que je donnerai ma vie pour sauver la tienne. Où veux-tu en venir avec ces grandes phrases ? À ceci. Je désire t'arracher à un imminent péril. Donne-moi ce mouchoir et j'irai le rendre à ta place. Pourquoi ? Parce que si tu rentres là, tu risques, quoi donc ? La perte de ton cœur. Madame Müller est une manière de sirène, de Circé, qui tourne toutes les têtes. Tu ne trouverais pas dans Touvienne une femme aussi séduisante. Raison de plus pour désirer la voir. Mais malheureux, c'est un être insensible, une créature de marbre. Beaucoup de gens, dont j'étais, par parenthèse, en soupiraient pour elle inutilement. Or, tu ne peux avoir la fatuité de prétendre... Je prétends rendre à cette dame son mouchoir. Je ne vois pas là une grande fatuité. Quant au reste, avec les principes que je dois à mon excellent parrain, je deviendrai plus vite amoureux d'une étoile que d'une femme qui n'est pas libre. Mais Madame Müller est libre, mon cher ami. Tout ce qu'il y a de plus libre... Une drôle de personne, suisse ou française, je ne sais pas au juste. Elle était institutrice à Vienne, quand le doyen de nos docteurs, M. Müller, s'en est pris à 60 ans sonnés. Il l'épousa et eut la bonté de mourir 3 ans après en lui laissant toute sa fortune. Jusque-là, c'était bien. Mais au lieu de se conduire en veuve raisonnable, cette impertinente personne reste fidèle à la mémoire de son mari et après 5 ans emporte encore le deuil. Au lieu de faire l'ornement du monde, elle passe sa vie à visiter les pauvres, à soigner les malades. Elle est aussi prodigue de son argent qu'avare de ses sourires. Je te plains, mon pauvre Édouard, si tu méprises mes avertissements, tu t'en repentiras trop tard. Tu vas prendre une passion en règle et entrer dans le monde noir des soucis, des tourments, des désespérances, dont on ne sort guère que par un coup de pistolet. Il en aurait dit davantage, mais l'orchestre du parc redoublait la gaieté et le brio de ses appels. Il n'y résista point. Et s'éloigna en courant. Je me rapprochai alors de la maison et cette fois je frappai. La porte s'ouvrit bientôt. un vieux domestique porteur d'une de ces figures qui font l'éloge des maîtres, s'enquit de ce que je désirais, et sur ma demande de parler à sa maîtresse, sans même s'informer de mon nom, il m'introduisit dans un petit salon bleu d'une simplicité pleine d'élégance. Il s'échappait de chaque meuble, de chaque objet, comme un parfum de paix qui pénétrait l'âme et en chassait les soucis et les appréhensions. Je ne me sentais pas étranger dans ce sanctuaire. Au-dessus d'un bureau d'ébène était le portrait d'un vieillard au front large, aux yeux profonds, au sourire aimable. Une vague ressemblance que je lui trouvais avec mon parrain me fit prendre plaisir à le regarder. J'étais plongé dans cette contemplation quand une porte qui s'ouvrit et un frôlement de robe de soie me fit retourner. Je retins un cri de surprise et de bonheur. Dans Madame Muller, je reconnaissais Valérie. « Vous êtes Mademoiselle Morin, n'est-il pas vrai, madame ? » m'écriai-je, sans réfléchir à l'inconvenance de cette brusque question. « Oui, monsieur, répondit-elle, mais vous-même, qui êtes-vous ? Car je ne me souviens pas. Je suis Édouard Verneuil. »« Vous, Édouard ? Pardonnez-moi si, dans le grand jeune homme d'aujourd'hui, je ne retrouvais pas mon cher petit ami d'autrefois. Mais asseyez-vous donc, et donnez-moi des nouvelles de l'excellent monsieur Balville. Il vit toujours, n'est-ce pas ? Oui, madame, il se porte bien. » Quand vous lui écrirez, parlez-lui de moi. Dites-lui qu'en dépit de mon long silence, je ne l'ai pas oublié. 100 fois, j'ai voulu lui écrire, et puis toujours une chose ou une autre se sont mises à l'encontre. Une lettre est plus difficile à faire qu'on ne croit. Et quand on a passé 1 an, 2 ans, sans prendre la plume, on ne l'ose décidément plus, bien que l'on aime toujours ceux qu'on paraît oublier. En parlant ainsi, Madame Muller m'avait pris la main et fait asseoir à ses côtés sur une causeuse. Les 10 ans passés s'évanouirent comme un songe. Nous parlions avec le même abandon qu'autrefois au Pâquis. Il y eut dans cet entretien des rires joyeux et des paupières humides. Elle m'appelait comme alors, cher Édouard. Elle me raconta comment la famille anglaise où elle était entrée était venue en Autriche pour affaires. Comment, peu après, elle s'était mariée. Mais tout cela en peu de mots, comme une personne qui n'aime point parler d'elle. La surprise que j'avais éprouvée en retrouvant mon amie d'enfance m'avait fait oublier complètement le motif de ma visite. Ce ne fut qu'au moment de prendre congé que je me souvins du mouchoir. Je le tirai alors de ma poche. « Mon mouchoir !» s'écria Madame Muller. « Comment, c'est vous qui l'avez trouvé ? Et moi qui oubliais de vous demander quelle aventure vous avez amenée chez votre vieille amie ? Où donc l'avais-je laissé ? Sur le banc rustique de Lurtelstein. Eh bien, je suis content de l'avoir perdu, et moi de l'avoir trouvé. Et imaginez-vous, madame, qu'à ce moment je me suis dit que mes esprits protecteurs l'avaient placé là pour moi, comme un talisman de bonheur. Quoi, jeune érudit, vous êtes superstitieux. Oui, madame, et je n'en rougis point. Je ne sais pas qui a dit que les naïves croyances du berceau, lorsqu'elles sont chassées de notre esprit par la science ou la raison, se réfugient dans notre cœur et y demeurent tant qu'il nous reste un souffle de vie. C'est une chose bien vraie. Je m'imagine que les âmes de ceux qui nous ont aimés sont chargées par Dieu même de veiller sur nous, de nous protéger, de diriger les événements de notre existence, qu'en un mot, elle ne nous quitte jamais tout à fait. « Je suis assez de votre avis, » répondit Valérie. « Cette superstition, si c'en est une, est douce, consolante, et je ne vois pas quel mal elle peut produire. Cette communion dans laquelle nos morts aimés restent avec nous, malgré le mode supérieur d'existence auquel ils sont parvenus, écarte la tristesse de la tombe et transporte ainsi le ciel sur la terre. Qui de nous ne se sent le besoin de le croire ? Qui de nous n'a pas perdu des êtres chéris ? » Elle resta un instant rêveuse, les yeux fixés sur le portrait du vieillard, puis elle reprit en souriant. « J'avais promis une récompense à qui me rapporterait ce mouchoir. Ne me doute en guère que ce serait un ami. À vous, naturellement, je n'offre rien. » « Et pourquoi, madame ? » m'écriai-je un peu vivement. « Est-ce un privilège des amis de n'être pas rémunéré de leur service ? Bien que j'aie déjà eu ma récompense en vous retrouvant, comme celle-ci ne dépendait pas de vous, permettez-moi de ne pas renoncer à une autre qui me viendrait de votre bonne volonté. Vraiment, et laquelle ? Avant de vous répondre, madame, permettez-moi de vous demander si vous tenez beaucoup à ce mouchoir. Tenir beaucoup à un mouchoir ne peut être le fait d'une personne raisonnable. Celui-ci n'est ni un présent ni un souvenir. Je n'y attache donc pas trop d'importance. Eh bien, laissez-le-moi, je vous en prie, madame, ce talisman qui m'a amené vers vous. Laissez-le-moi, et chaque fois que je le regarderai, je me croirai transporté au Pâquis, au pied de nos arbres. Il y avait aussi des pervenches. Laissez-le-moi pour qu'il continue à me porter bonheur. « Enfant, » dit Valérie haussant légèrement les épaules. « Gardez-le, puisqu'il vous fait tant de plaisir. Mais convenez qu'il est original, de se faire donner comme récompense l'objet qui devait être restitué. » Je ne répondis pas, mais je m'hâtais de renfermer dans ma poche le précieux tissu, puis je baisai la main de Madame Müller, suivant l'usage viennois, usage charmant par parenthèse, quand les mains sont blanches et jolies. Puis je pris congé, demandant à mon ancienne amie la permission de la revoir. « J'allais vous en prier, me dit-elle, venez souvent. » « Venez souvent. Quel mot aimable et gracieux. Je me le répétais tout le temps que je me mis à franchir la distance assez grande qui sépare la Parkgasse de la Bergstrasse. Et en arrivant, je racontais mon bonheur à Mademoiselle Charlotte et à mon élève qui se réjouir avec moi. Les leçons de l'après-midi me parurent longues. Mon regard impatient interrogeait ma montre à tout instant. Il me tardait fort que le jour s'en fût allé avec son cortège de soins et d'affaires, et que le soir paresseux me rendit la liberté de rêver. Il arriva, quoiqu'à pas lent, ce bienheureux soir, et je me trouvai dans ma cellule, seul, bien seul, comptant comme un avare les richesses du jour, et écoutant mon cœur chanter à Dieu un cantique de reconnaissance. Le paysage était en harmonie avec mes pensées. Le ciel était d'une parfaite sérénité. La lune caressait le front des collines et faisait briller les ruines blanches de Rauenstein. Une brise timide glissait dans le feuillage, et le ruisseau qui limite la propriété Grünkopf semblait adoucir son murmure, comme s'il eût craint de me troubler. Je pressai ma chère Baptiste dans mes mains, et même, la lune seule, pouvant me voir, sur mon cœur et sur mes lèvres. Puis je réfléchissais à l'étrange aventure qui avait fait de ce carré d'étoffe la chaîne invisible qui m'avait rapproché de Valérie, à ce voyage à Vienne, qui m'avait tant effrayé d'abord, et que je me trouvais maintenant si heureux d'avoir fait. Je pense à mille autres choses que je ne dirai pas. Il est bien facile de s'imaginer quels pouvaient être les rêves d'un garçon de 20 ans qui regardait au clair de la lune un mouchoir brodé de pervenche et parfumé de verveine.